Je me suis fait seul, bande de fils de pute. Et faut que je suis un homme que la rue m'éduque. Ouais, tout jeune, j'avais qu'un seul but. Éteindre ces fils de pute. Y'a trop de poutos. Obligé de sortir la rousse. Y'a trop de poutards. Obligé qu'ils fassent les costauds. J'ai oublié, je fais pas de location. Je m'en bats avec ta vie de ta tentation. Ils voient que tu creuses, tu dis continue. Sans basket pour être voir pieds nus. Y'a trop de poutos. La la la la la la. Y'a trop de poutards. La la la la la la. Y'a trop de poutos. Conseil des gains de pyro, il a refait de sa vie, c'est un gros mytho. Il traîne avec moi que pour les gadgets, tu n'as pas de figure, tu n'as pas de moto. Bell, bell, elle parle à tous les rappeurs, elle me fait la piscine, RL. Je fais des braquages vocaux, je concurrence les majors, RL. Le charbonneur tient la sacoche, le guetteur qui regarde à gauche. Hoche, hoche, j'ai rien dans les poches, j'ose pas lui dire, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Train de virer benga, il me critique d'aller comme oreilles de benga. Elle fait la mal à l'été, l'hiver est plus tenga. Je mets ma paire, moi j'aime trop les balles, je suis pépère. Ils disent tous que j'ai mon équipe, dis-toi investi sur ton père. SLK ou SLS, y'a des gangs qui me mettent la laisse. Je suis fort, je suis bon, fils de pute, rage, je tiens mon adresse. Ta copine aime le coupé, oh. Cette puta elle t'a plus parlé, oh. Il lui a mis son CC, au final il a délaissé, oh. Y'a trop de poutos. La la la la la la. Y'a trop de poutas. La la la la la la. Y'a trop de poutos. La la la la la la. Y'a trop de poutas. La la la la la la. Puto. Puta. Puto. Puta. Je me suis fait seul. Puto. Je me suis fait seul. Puta. Y'a trop de poutos. Y'a trop de poutas.